بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم لفتاوى لصفحة فتاوى الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى. كيف فتاوى كلايمي كتوفيت يعني كتورجل للأضاحي. فأبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني فيما قد مضى من الدروس أخذنا ثلاثة من شروط الأضحية، علما بأن هذه الشروط أربعة. On a pris déjà trois shurouts qui rendent valide le sacrifice. Première condition qu'on a pris, le temps, qu'elle soit faite après la salat. Deuxième condition, la tasmiya, qu'il faille nommer Allah dessus. Troisième condition, les défauts. Les défauts dont il faut qu'elle soit exempte. En quatrième condition qu'on va prendre aujourd'hui, l'âge. Donc là, il commence en disant directement, en ce qui concerne l'âge qui est à prendre en considération pour les adahi, جاء في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الظن من الظن. Donc il a dit, comme cela est venu dans Sahih Muslim, selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'égorgez que la moussinna, et si jamais vous ne pouvez pas, alors égorgez la jaza'a parmi les ovins. La jaza'a parmi les ovins. Maintenant, on va expliquer c'est quoi ce terme. Donc, il faut interroger ma ma'ana, la tazdahu illa musinnatan ma yal musinna. N'égorgez que la musinna. Qu'est-ce que la musinna? Ça veut dire quoi, musinna? Ils disent c'est celle dont les fanaya sont tombées. Fanaya, c'est les incisives. Dents devant, si je ne trompe pas. Dont les dents devant sont tombés et ont été remplacés. Cet animal-là s'appelle Moussinna. On peut l'appeler Moussinna, on peut l'appeler également Thaniya. Moussinna ou Thaniya. Moussinna par rapport au mot Asnen, car ses dents ont été changées, et Thaniya, car cela concerne les Thanaya, les dents de devant, les incisives. En soi, les deux noms sont valables. Après, il dit que fréquemment, la base, c'est que chez la vache, par exemple, elle devient moussinna après 2 ans complets, ou qu'elle rentre dans la 3e année. Ses dents se changent après 2 années complètes. Le chameau, après 5 ans. Donc, il devient moussinna quand il rentre dans la 6e année. Et ça, c'est ce qui est coutumier chez les bovins et chez les chameaux. Approximativement. D'accord? Approximativement. Donc ça veut dire que la vache, on ne peut égorger une vache qui est moins de 2 ans. Et le chameau, on ne peut égorger un chameau qui est moins de 5 ans. À la base. Après, ils se divergèrent sur les caprins. Il y en a, ils disent qu'elle devient moussinna après 1 an. Et d'autres qui disent après 2 ans. Donc lorsqu'on ne sait pas, est-ce que c'est 1 an ou 2 ans, Ashab al-Khibra, ceux qui ont de l'expérience, ils regardent les dents. Car en fait, ce qui est vraiment à prendre en compte, c'est pas l'âge, c'est les dents. Quand cela va venir. C'est pas vraiment l'âge en soi. L'âge, en fait, c'est une arama pour les dents, en fait. Mais la vraie chose à prendre en compte, c'est les dents. Donc là, on a pris que pour ce qui concerne les chèvres, mathalan, c'est à peu près minimum un an. Minimum un an. طيب ثم سئل لو قال لك صاحب البهائم هذا عمره سنتان من البقر وانت نظرت الى تثنيته ورأيت تثنيته ما تبدلت فهل يجزأ حتى وان كان صادقا. Donc par exemple toi, celui qui te vend une vache, il te dit que cette vache là elle a 2 ans. مثلاً. Et toi tu analyses ses dents et tu te rends compte qu'en fait ses dents n'ont pas changé. Donc il dit, est-ce que si on l'égorge, cette vache sera valable? Si jamais ce vendeur est sincère dans ce qu'il dit, il ne ment pas. Il dit, c'est ma vache, je la connais, elle a 2 ans. D'accord? C'est ça la question. Lui dit qu'elle a 2 ans et pourtant ses dents n'ont pas encore été remplacées. Donc est-ce que cette vache là touche dit, est-ce qu'elle revalide? Est-ce qu'elle est valide? Il répondit, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est les dents. D'accord, ce sont les dents. Même s'il est véridique dans ce qu'il dit, il dit qu'elle a 2 ans et qu'elle a réellement 2 ans, si ses dents ne sont pas changées, elle ne sera pas prise en compte. C'est-à-dire que son sacrifice, Inch'Allah, ne sera pas compté comme valable. Ça coûte de la viande, quoi. Ça ne sera pas une adhiya. Mais il dit en général, la vache n'atteint pas les 2 années sans que ses dents aient été changées. C'est la base. Mais il peut y avoir des exceptions, ça arrive des fois. Ça arrive. Donc si toi, tu t'es rendu compte que ses dents n'ont pas changé, même si elle a 2 ans, tu ne peux pas l'égorger comme adhiya. Même si elle a vraiment 2 ans. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit moussina, comme on l'expliquait. D'accord? Que ses incisives aient été remplacées. Puis il dit, في هذا الحديث حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الظن. Dans le même hadith de Jabir, qui l'a dit, n'égorgez pas à part la musinna, celle dont les incisives ont été remplacées, et si jamais cela est difficile pour vous, c'est-à-dire que ça coûte trop cher, il n'y a pas les moyens ou quoi, il dit alors égorgez une jaza'a parmi les ovins, c'est-à-dire tout ce qui est mouton, brebis, bélier, akaza. Donc maintenant c'est quoi jaza'a? Jaza'a, il dit que il y a eu un khilaf, divergence par rapport au ma'na, le sens de jaza'a. Il était dit c'est celle qui a atteint, la bête qui a atteint 6 mois. Et c'est le minimum qui était cité. C'est le minimum qui était cité. Ni un agneau, quoi. Et c'est le choix qu'ont fait les Hanabila, les ashab du madhab al-Hanbali. Et c'est exactement, c'est également ce que les gens de la langue arabe, les savants de la langue arabe, ont cité comme sens. Que al-Jazara, c'est celle qui a 6 mois, la bête qui a 6 mois. Et il a été dit, parmi les divergences, celle qui a atteint 8 mois. Il a été dit 10 mois. Il a été dit 1 an. Et ça, ce sont les Aqwal du Mazhab Shafi'i. Eux, c'est l'avis qu'ils ont pris. Minimum 8 mois. Et autre que. Mais en réalité, ce que le Mazhab al-Hanbali, c'est ce qui est le plus proche de la vérité, car c'est ce que les gens de la langue arabe, ils ont cité comme sens. Donc tu reviens au savant du fun, de la matière. Les gens de la langue arabe, ils disent que Jazara, c'est celle qui a 6 mois. Donc, ce qui concerne les ovins, c'est minimum 6 mois. Quand même, un agneau. Et il fut même dit qu'il fut rapporté de certains des bédouins qui leur fut dit, comment savez-vous par exemple que l'animal il a 6 mois? Comment vous le savez? Ils disent qu'au début l'animal quand il naît, ses poils sont hérissés. L'agneau quand il naît, ses poils sont hérissés. Ensuite, quand ils redescendent et qu'ils deviennent plus lisses sur son corps, alors là ils savent qu'elle s'est devenue une jazara. Par ses poils. Falen, on va dire. Là, c'est également les gens de l'expérience, bien entendu. Ce sont les experts qui connaissent ça. L'agneau, quand il vient de naître, ses poils sont hérissés. Et quand il commence à se coller sur sa peau, il descend, ça veut dire que khalas, c'est devenu une jazara, qu'elle a 6 mois à peu près. Mais bien sûr, celui qui a un animal, poil ou pas, il connaît l'âge de son animal. il sait quand il est né, il a noté et tout. Mais au cas où, par exemple, quelqu'un il vient et ne connaît pas, il dit ça c'est un agneau, quelqu'un il va regarder son, sa laine et va dire ça, par exemple, il a plus de 6 mois. Ou il a moins de 6 mois. Tout de suite. Ou avec les dents aussi. Il regarde les dents, il peut dire s'ils ont. Par exemple, toi demain, tu regardes les dents, je pense pas que nous on va voir qu'elles ont été changées ou pas. On va pas voir la différence. Quelqu'un qui a la khibra, il va toucher les dents et va dire ça. Ces dents sont pas encore changées. Ma falam. Après, il dit que ce hadith de Jabir, l'apparent, qu'on ne peut égorger un jaza'a, une jaza'a, que si on ne trouve pas de musinna. C'est quoi le hadith ? Qala, la tazbahu ila musinna. Wa in ta'assara alaykum, fazbahu jaza'a. Si jamais, n'égorgez que une musinna. Si vous ne trouvez pas, alors il vous est permis une jaza'a. Donc du hadith on comprend quoi ? Qu'il est conditionné de ne pas trouver une moussinna. Si jamais tu trouves une moussinna qui a une jaza'a, la jaza'a, tu ne la prends pas. C'est tout apparent du hadith. Cependant, l'élève a expliqué. Cependant, il dit que Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a apporté l'ijma', l'unanimité que Hazal et Sabichart. C'est pas une condition. Quand même, que même la jaza'a des hommes, des ovins, si tu la trouves, tu peux l'égorger, elle est valable. Même si tu as une moussinna qui est présente, qui est apportée. Car il y a un hadith qui était apporté d'Ibn Mas'ud al-Salimi, Smuhu, Mujashia. Ce n'est pas Abdullah ibn Mas'ud, c'est un autre. Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala, inna al-jaza' yufi ma yufi minhu al-thani, yani al-thaniya, yani al-musinna. Wajat riwaya an al-bayhaqi, anna al-jaza' min al-dham yufi mimma yufi minhu al-thani. فهذه الرواية تبين الرواية الأخرى. Donc il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la jaza, l'animal qui a la brebis ou l'agneau ayant 6 mois équivaut également à thaniya. Thaniya, on dit c'est le même mot que musinna, c'est la même chose. C'est-à-dire la jaza vaut musinna. C'est-à-dire tu as le choix en fait. En fait ce hadith là est venu pour expliquer l'autre. L'autre, s'il n'y avait que l'autre hadith, on dirait pas de jaza si on a une moussinna. Et ces hadiths là sont venus pour t'expliquer non, même si il y a une moussinna, la jaza'a tu pousses les gorges. Quand même il n'a dit qu'il y a ijma. Il y a ijma. Donc ça attention, ce jugement de jaza'a c'est juste pour les ovins, moutons, béliers, brebis, c'est pas pour les autres, c'est pas pour les autres, c'est juste pour les ovins. Ama bovins et caprins et les chameaux, non. Comme cela va venir maintenant. Donc il dit Al-Ma'iz, Al-Bakar, Al-Ibil, La Toujda, Illa Al-Thani. C'est-à-dire tout ce qui est caprin, chèvre, ainsi de suite, et vache, et chameau, n'est valable que Al-Thani, c'est-à-dire Al-Musinna. On a dit que le chameau c'est 5 ans minimum, la vache c'est 2 ans minimum, et les caprins c'est 1 an minimum. Il dit que les gens sont très ignorants de la masse Allah sur le sujet. Quand ils achètent, par exemple, ils vont prendre une chèvre qui aura 8 mois. Ils le rendent dans la jaza'a. On dit non, jaza'a c'est juste pour les ovins. Et donne, comme on les connaît, donne tout ce qui est agneau, bélier, mouton, brebis. Donc la chèvre de 8 mois, à la base, elle n'est pas encore moussinna. Elle n'est pas encore moussinna, elle est trop petite. Donc on dit si vraiment tu veux un jaza, tu prends parmi les ovins. C'est tout. Ah, ça baisse. Et il cite également qu'il y a ijma, unanimité, que tout ce qui est caprin, il est unanime, il faut qu'il soit moussinna pour être égorgé. Là, qui dit cet ijma, on a trouvé une divergence dedans. L'anime yazbout, l'ijma yazbout. Même cet ijma là, il y a un ila qui est kalem. En tout cas, même s'il y a un kalem, c'est le qawl qui sahih par rapport à Dillah, de toute façon. ثم سئل أيهما أفضل في بهيمة الأنعام أن تضحي به بدنة أو بقرة أو شاة. Qu'est-ce qui est meilleur parmi les bahimat al-an'am, d'égorger le chameau, la vache ou ce qui est caprin ou ovin, un mouton ou brebis ou chèvre ou quoi. Il dit bien évidemment le meilleur c'est le chameau pour celui qui peut. Car même dans le hadith qu'on avait pris hier de Abu Huraira, dans le comparatif, celui qui vient plutôt au Mosjid pour le Jumu'a. Il a commencé par quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Par le chameau. Ce qui montre que le chameau est de plus grande récompense. Car le chameau est de plus grande récompense. Il est plus gros, il coûte plus cher. Donc évidemment, il demande plus de dépenses. Donc forcément, la réponse sera plus grande. La main sera plus grande. Mais attention, il précise bien. Le chameau individuel, pas asset. Celui qui prend un chameau tout seul. Après, il va parler maintenant de l'ishtirak. Et dit, par contre, en ce qui est de la participation sur un chameau, asset, ou la vache, alors un mouton tout seul, c'est meilleur. Ce qui est meilleur, c'est le chameau tout seul, si tu peux. Après le chameau tout seul, la vache toute seule, si tu peux. Après, ainsi de suite. Du plus gros au plus petit. Mais quitte à choisir entre être 7 sur une vache et tout seul sur un mouton, lui il dit que être tout seul sur un mouton, c'est meilleur. Bien qu'on a vu, là c'est la récompense, c'est son avis, hein. Maintenant il n'y a pas forcément de dalil ou quoi, c'est ce que lui voit. Bien qu'on sait que il y a une vache, 7 dessus, ce qu'on a vu c'est qu'il y a plus de viande. Donc si tu veux faire plus de sadaka, c'est mieux aussi. Il y a plus de viande, même le chameau, donc tu peux faire plus de sadaka. Mais le chameau, c'est une viande, comme la viande de gibier, elle est dure. Elle est très dure. Pour la faire cuire, il faut y aller. Donc ça prend du gaz. Ça consomme du gaz. Bon, encore, dans notre pays, ils ont le gaz courant, tu vois. Le gaz naturel de ville. C'est-à-dire qu'il vient tout seul, ils ouvrent le robinet. Et nous aussi, c'est des bidons de gaz. Si le gaz termine sur toi, t'es en galère. Tu fais que ta viande, plus de gaz. Le jour du Eid, les magasins sont fermés, ben, t'es en galère. Sinon, tu vas au Hatab, au fagot de bois. Il faut les trouver, les fagots de bois, si tu les as pas déjà chez toi. Et même le bois, faut y aller, faut l'allumer. C'est pas tout le monde qui a l'air de la débrouillard. De la débrouillardise. Tu lui mets des bouts de bois, il saura faire un feu. C'est pas tout le monde qui arrive, là. Ça, c'est côté d'Ounia, hein, tu vois, mais. C'est vrai qu'en tout cas, le chameau, ça consomme du gaz. Non. Et je crois pas qu'en France, ils fassent beaucoup de chameaux. Ça coûte très très cher en plus. Vu que c'est importé, ça va coûter extrêmement cher. J'ai jamais entendu de frères qui. Les vaches, oui, il y en a plein. Les moutons, il y en a plein. Mais les chameaux, je crois pas que ça se vende en France. Au zoo, tu dois en avoir. Mais garder un chameau en France, je crois pas que ça existe. Allah Alam. Donc tu vas pas aller au zoo pour. Tu vas pas aller au zoo pour aller prendre un chameau pour des rides. Hein, c'est pas à toi le chameau, il t'appartient pas, ma yajouz. En tout cas, celui. Mais ils envoient à l'étranger peut-être. Par exemple, ils envoient dans un pays étranger et disent achetez-moi un chameau, égorgez-le et mangez-le. Mais en France, je ne crois pas que tu achètes de chameau, tu l'égorges et tu le manges. Est-ce qu'il y en a déjà à vendre en France? C'est ça la question. J'ai jamais entendu qu'il y ait de chameau à vendre en France, ni pour les particuliers, je parle. Tout ce que je connais, c'est dans les zoos, dans les cirques. Hein? Ah, mais quelqu'un qui est riche, par exemple, il veut ramener un chameau et le faire égorger en France et le manger, par exemple. Il a de l'argent. En fait, le dromadaire et le chameau, Allah Alam, je pense que c'est le même jugement. C'est quoi la différence entre le chameau et le dromadaire? C'est lequel qu'on a deux, c'est lequel qu'on a qu'une? Ouais. Bah c'est simple, au Yémen, il n'y a pas de dromadaire au Yémen. Il n'y a que des chameaux. Et ils ont combien de bosses ici? Une seule. C'est ça en fait. C'est la même. Ouais, c'est Ibil. Ça prend la même. C'est le même nom, même jeans. C'est pour ça que le jugement doit être le même. Allah Ta'ala Alam. À la base, Ibil, c'est le nom de la catégorie. Chameau, chamelle. Ah, mais chameau, c'est Jamel, et la chamelle, c'est Naqa. Donc je pense que le dromadaire, il rentre dans le Jamel. Alors, peut-être qu'il a un autre nom. En tout cas, il rentre de façon générale dans Ibil. Il rentre dans Ibil. Après, est-ce qu'il a un nom tout seul à lui? On va chercher Inch'Allah, on verra. Mais à la base, chez les Arabes, c'était les chameaux. Donc le Khura, ça, il a dit que c'est meilleur d'égorger. Plus c'est gros, plus t'es seul. Mieux c'est. Voilà. Il dit après, il faut questionner ma wa akol ma yujda fil adahi. C'est quoi le minimum qui est valide dans le sacrifice? Il dit le minimum c'est un mouton, une personne pour un mouton. Et un mouton ça peut être un agneau, ça rentre dedans. Pareil, ranam, le mot ranam, c'est ils jins. Ça rentre dedans les moutons, les agneaux, les brebis. Ranam. Donc le minimum c'est ou un sur un mouton, ou alors 7 sur une vache et un chameau. Et certains, ils ont dit 10 sur un chameau, c'est valable. Naam. Et parmi les adillas qui démontrent que ce qui est en dehors de la vache et du chameau, 1 seulement, on ne peut pas être 7 sur un mouton, c'est juste 1, جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي وحديث أبي سريحة عند ابن ماجه قال كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترون. وقال أبو سريحة والآن يبخلون جيراننا بس كي أبغي الله أعلم يعني إذا ضحوا بالشاة قالوا بخلاء. الحديث دو أبو أيوب الأنصاري أبطي بالترمذي السورة دو أبو سريحة شي ابن ماجه. Il disait qu'à l'époque du prophète Mohammed, l'homme égorgeait une brebis pour lui et sa famille, sa maison. Et il en mangeait, puis également il en nourrissait les gens. Après, il a dit Tabaha al-Nas, les gens commençaient à avoir de l'orgueil, à devenir hautain, c'est-à-dire ils en veulent plus. Comme tu le vois, ils disent. C'est-à-dire à son époque, il paraît, comme tu le vois, maintenant les gens sont devenus hautains. Pour une brebis, c'est, voilà, quoi, c'est bas. Donc Abu Saliha, il dit. Aujourd'hui, les gens disent que lorsque tu égorges une brebis ou un mouton, ils disent que tu es avare. Tu es avare. C'est ce que j'ai compris, parce que dans le hadith, il est écrit là Yubakhilouna. La'alla huzifat en nun takhfifan. On va sortir Yubakhilouna. Ou également Yubakhilouna et après Jiranouna. Donc là, tu as le waouh. Jama'a qui le fait, après tu as Jiranouna. Qui serait le badel. Une règle qui fait exception à la règle de base dans le fa'il. Il n'y a pas de harakat, c'est comme ça que ça apparaît. Allah alam, si je me trompe, c'est ce qui m'apparaît là. Donc ce hadith démontre que le minimum c'est 1 sur un mouton ou une brebis ou un agneau ou même la chèvre, et la participation c'est sur le chameau et la vache. Et quand on dit vache, c'est taureau, c'est bœuf, et voilà, tous les bovins. ثم سويلا هل يصلح أن يشترك بيتان في شاة واحدة كل له نصف. Est-ce qu'il est convenable que deux maisons participent sur une seule brebis, chacun la moitié? Quelle est la réponse? Non. Ça revient à ce qu'on a dit auparavant. Non. Même question qui revient dans la réponse déjà précédée. كم يشترك في البقرة. Combien participent sur une vache? Combien? 7. Ça c'est pour le 10, c'est pour le jameau, pas pour la vache. Et maintenant, il va dire le hadith, le dalil de l'ishtirak fil bakar. Donc il dit, c'est unanime dessus, mujma alay, que la vache, 7 dessus, peut participer. Ja'a fi hadith Jabir, قال, naharna ala hadith nabi sallallahu alayhi wa sallam, yom hudaybiyah, badana an sabatin wal bakara an sabatin. Fi sahih muslim. Selon Jabir, il dit que nous avons à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, naharna, c'est pas zabahna, naharna, on a dit nahar, c'est quoi? C'est le fait de porter dans la veine, dans le cou. L'animal, il est debout. Pour les animaux qui sont vifs et gros. Il dit, on a sacrifié un chameau pour 7 et une vache pour 7, apporté par Mousseline. Et là, maintenant, il va citer le khilaf par rapport au chameau, les 10. Il dit qu'il y a un hadith qui est venu chez Ahmed al-Nasai, an ibn Abbas. Qala, kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, fa hadarat al-adha, fa ashtarakna fi al-ba'ir an 10 wal bakara an 7, akhrajahu Ahmed al-Nasai. Donc selon ibn Abbas, il dit que nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis est venu le jour de l'adha. Jour l'adha, c'est jour l'id. Et l'adha, ça revient à quoi? C'est comme Adhiya, ça vient au Doha, au Waqt al-Doha, que c'est après là, c'est au Waqt al-Doha que ça a lieu. Donc il dit, nous sommes mis à 10 sur un chameau et 7 sur une vache. Donc il dit le hadith, dedans il y a, dans son sanad, il y a un homme qui à la base ne peut s'individualiser avec une version d'un hadith. Et le hadith de Jabir est le plus fort, par muslim. Donc, tu qaddam, allez. Mais ceux qui ont vu qu'on pouvait être 10, c'est ça la preuve. Également, parmi les preuves de ceux qui voient qu'on peut être à 10 sur un chameau, c'est hadith Rafi ibn خديج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم من الغنائم فعدل عشرا من الغنم ببعير واحد. Donc dans le hadith de Rafi et de Khadij, dans les deux authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin. Et il a mis quoi? Il a divisé, donné, il y a 10 moutons, l'équivalent de un chameau. Par exemple, si quelqu'un a eu un chameau, et bien l'autre il aura 10 moutons. Hein? Donc de là, ils ont fait un qiyas. Ils ont fait un qiyas. Et c'est l'avis de Ishaq wa Sa'id ibn Musayyib. Cependant, il dit que le jumhur, la plupart des savants, ils voient que, en réalité, pour un chameau, c'est 7 seulement. Donc ce qiyas-là, il y a un fi kalam. Car là, c'est un partage de butin. Adahi, c'est autre chose. C'est un autre hukm. C'est l'autre mas'ala. C'est l'autre mas'ala. Parce que maintenant, ça veut dire quoi? S'il avait donné un mouton à quelqu'un dans le partage, est-ce qu'il aurait donné un agneau à un autre? Ça aurait été égal? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc cette analogie-là, elle est discutable. Donc le Arsène n'a pas la Zahil Hadith Jabir, 7 sur une vache et 7 sur un mouton. 7 sur une vache, 7 sur un chameau. Ijma' là-dessus. C'est permis. ثم سئل يقول الأخ بعض الناس يتفق مع صاحبي يقول أنا سأضحي في اليوم الأول وآكل نصفه وأعطيك النصف وأنت في اليوم الثاني تضحي بحقك وتعطيني النصف. Que certains se mettent d'accord avec leurs compagnons et ils disent, moi j'égorge le premier jour, je mange la moitié et je te donne la moitié. Et toi tu égorges le deuxième jour de ton mouton, ton animal, tu en manges et tu me donnes ma moitié de ton animal. Il dit, cela il faut délaisser. Il faut délaisser cela, c'est obligatoire. Car cela rentre dans la vente. Car l'échange pour le jugement de la vente. Je donne ça en échange de ça. C'est du négoce. C'est du négoce. Et le adhiya, mais juste tabi'a. La viande du sacrifice du Eid n'est pas permis d'en vendre. Donc il dit que ça rentre dans la vente. Donc il dit au conseil de laisser cela. Par contre, si un mec s'y fait en guise de cadeau, c'est autre chose. Mais faut pas que ce soit une condition, genre, je te donne, faut que tu me donnes. Si je mets ça comme condition, ça rentre dans le négoce. Maintenant, si tu le donnais, donne-lui, tu lui demanderais en échange. Tu donnes ta moitié, tiens ma moitié. D'accord? Et si lui veut donner sa moitié après, il te donne. Ça revient à lui. Mais tu dis, je te donne toi, mais en échange tu me donnes toi. Ça rentre dans le négoce. C'est un commerce. Car le commerce, c'est pas seulement acheter avec de l'argent liquide. Ça peut être du troc. D'accord? Ça peut être du troc. Soumassou ila yakoul al-akh. Law kana al-kabsh kabiran. Mada min umrihi thalath sanawat. Hal yushtarak bihi ithnan. Il dit donc maintenant si le mouton il est grand, il est gros, il est âgé, il dépasse ses 3 ans. Est-ce que deux peuvent participer? C'est quoi la réponse? Non. C'est seulement un. D'accord? Seulement un pour un mouton. On a dit que la participation c'est valable que pour la vache, on va dire les bovins et tout ce qui est chameau. Il faut également questionner à nouveau par rapport à... Parce qu'en fait des fois il répond à des questions qui viendront par la suite. Les questions sont prêtes. Les gens ont leurs questions prêtes. Et des fois, on pose une question à lui, dans le tafsil. Dans le tafsil, il donne une réponse à une question qui va arriver par la suite. Par exemple, là, il est questionné sur quoi? Al-ibil, elle yujza an sab'a am an ashara. Là, le chameau, est-ce qu'il est valable pour 7 ou pour 10? Car le questionneur, il écrit la réponse à l'avance. Il écrit les questions à l'avance. Donc là, la réponse est déjà passée. Que là-bas c'est 7. Il y a un khilaf, mais le plus prudent de faire 7. Il dit El Ahwet en yu'mal bi hadith Jabir. On applique le hadith de Jabir. Thumma su'ila El yu'ta al jazzar min al adhiyati muqabil al jazzara. Est-ce qu'on donne au boucher de la viande en échange de son travail? Il dit là, on ne le donne pas. C'est-à-dire que ce soit une paye pour lui. On ne le donne pas de la viande. Par contre, si tu le donnes de toi-même, de bon cœur, en cadeau, une sorte d'accord de toi-même, et que ce n'est pas compté comme salaire de son travail, tu peux le faire. D'accord, tu peux le faire. Par exemple, tu lui donnes la tête, tu lui donnes la peau, tu lui donnes de la viande, cha'anouk, ça te revient à toi. Une question similaire que le boucher maintenant il te dit, moi je n'égorge pour toi, je ne découpe qu'en échange que tu me donnes par exemple la tête. Non, en fait la question c'est, si tu me donnes la tête, je te prends que 1000 rials. Si je ne donne pas la tête, je prends 2000 rials. Par exemple. Ça revient à la question précédente, c'est pareil. L'animal ne rentre pas dans la paye du boucher. Maintenant toi, si tu donnes de toi-même, il n'y a pas de problème. Tu dis non. On se met d'accord pour un prix, pour ton salaire, c'est tout. La viande après rentre pas dedans. Si je veux, je t'en donne. Si juste, je t'en donne pas. Mais toi, tu me donnes que condition. Et je ne le fais qu'en échange de viande. Non. Parce que cette viande-là ne se vend pas. Donc là, c'était la fin de la série de questions. Deuxième cours. Inch'Allah, il reste encore une série de questions. Inch'Allah, la khuzwa aradan. Bizina ta'ala. Donc aujourd'hui, on a pris la quatrième condition qui était l'âge de l'animal qui en réalité sont ses dents. Ses dents. El musinna aw thaniya. Et combien le minimum à être sur un mouton, ou sur une vache, ou un chameau, ou un rélezalika. Mafou mu'ala, fayyib, fayyilahuna, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.